François Rabelais, prince des ironistes, par Jules Chancel. Suivant la tradition, François Rabelais naquit à Chinon, ville unique, voire la première du monde, ainsi que la désignait lui-même, dans les dernières années du XVe siècle, d'une famille modeste et le dernier de 5 enfants. Son père n'était pas personnage notable. Cabaretier, apothicaire, on ne sait. Rabelais a toujours négligé de nous fixer sur ce point, mais par contre, il n'a pas oublié d'apprendre à la postérité que l'auteur de ses jours possédait un clos de vigne près de Seuillet, où on récoltait d'excellents vins pinot. Il nous montrera aussi le bonhomme son père, coulant l'heureuse existence du paysan tourangeau, allant voir sa vigne dans la journée et se chauffant le soir devant le feu où on grille les châtaignes. Son éducation, elle fut celle qu'il nous décrit dans Gargantua. Elle consista surtout à se mascarer le nez, à bâiller aux mouches et à courir après les parpaillons. Ce fut ainsi qu'il arriva à la jeunesse, justement à l'époque où la France, sous le règne de Charles VII, renaissait à la vie après l'expulsion des Anglais. Les campagnes se réveillaient, se peuplaient, et les seigneurs, quittant leurs donjons féodaux rébarbatifs, descendaient sur les bords du fleuve pour se faire construire, dans l'heureuse vallée de la Loire, de beaux châteaux harmonieux, plaisants et confortables. Les guerres religieuses se calmaient. Louis XII était un bon roi, et la vie devenait belle dans ce pays hospitalier et souriant. Rabelais, né sous une heureuse étoile, commençait donc son existence dans une atmosphère de confiance et de sérénité, et c'est dans cette circonstance, peut-être, qu'il faut chercher la raison de sa verve, de son optimisme et de sa truculente gaieté. Cette gaieté, cette truculence, résistèrent même à l'apaisement de l'éducation monastique et, plus tard, aux difficultés des conditions subalternes. En dépit de sa naturelle paresse, Rabelais fit cependant quelques études à Seuillet d'abord, puis ensuite au couvent de la Baumette près d'Angers. Il fit partie de ces étudiants qui, portant à leur ceinture leurs grosses écritoires, allaient chaque jour se farcir la tête de théologie, de grammaire et autres sciences apprises selon les procédés indigestes de la scolastique d'alors. Mais le futur écrivain était de ces gaillards à l'estomac robuste qui peuvent assimiler les nourritures les plus lourdes. De plus, il sut fort habilement se créer durant son séjour à la Baumette des relations qui devaient lui être particulièrement utiles dans le cours de son existence. Angers était alors un grand carrefour intellectuel. Il y venait des étudiants de la Touraine, de Bretagne, du Poitou et de la Vendée, et le fils du petit cabaretier eut l'intelligence de se lier d'amitié avec des camarades titrés et importants, comme Geoffroy d'Estissac, le futur évêque, Dubellay, futur ambassadeur, et tant d'autres qui, plus tard, devinrent ses protecteurs. Quand le jeune homme rentra au logis paternel, il refusa de devenir un vigneron ou un apothicaire, car il avait pris des ambitions plus hautes, et sa famille, comme toutes les fois qu'un enfant résistait à la volonté paternelle, voulut en faire un moine. Ce fut ainsi qu'il entra au monastère de Fontenay-le-Comte, où il devait rester 15 ans. Dans ce monastère, il commença à travailler et devint particulièrement habile dans la science des langues. Mais ses études ne l'empêchaient nullement de se livrer à ses plaisanteries, qui étaient en quelque sorte la marque de son caractère ironique et grâce auquel il devint bien vite un sujet de scandale pour ses camarades. Il faut avouer que ses farces étaient déjà de haute graisse. En voici une, par exemple. Le jour de la fête du couvent, jour où le peuple des environs venait en foule apporter ses prières et ses offrandes à l'image de saint François, il s'avisa, comme cette image était placée dans un endroit assez obscur, de la dénicher et d'y substituer sa propre personne, ajustée en conséquence. Mais son humeur joyeuse ne put résister aux discours et aux attitudes de ses adorateurs rustiques. Il se mit à rire, on s'en aperçoit, et tous les assistants de crier au miracle. Un vieux moine, plus malin, le reconnaît, le fait descendre de sa niche, et il comparaît devant la justice des frères. Ceux-ci le dévêtent, et pour le punir de sa supercherie sacrilège, se mettent à le fouetter jusqu'au sang avec des cordes de leur ceinture. Mieux encore, son supérieur le met en prison, au pain et à l'eau, pour le reste de ses jours. Il aurait ainsi passé sa vie en in pace si quelques-unes des relations que nous signalions tout à l'heure n'étaient intervenues pour le faire mettre en liberté, ainsi que pour lui obtenir du pape l'autorisation de passer dans l'ordre de Saint-Benoît. Il entra alors à l'abbaye de Maillezais. Il faut croire que, décidément, il n'était pas fait pour les séjours dans les cloîtres, car peu de temps après, il quittait encore cette nouvelle abbaye en jetant carrément cette fois son froc aux orties. Libre et vêtu seulement de l'habit de prêtre séculier, il se mit alors à parcourir le monde, menant cette vie d'aventure et de voyage qui ne devait guère se terminer qu'avec sa mort. Nous retrouverons dans quelques chapitres de son œuvre des notes de voyage où chaque étape est fixée par un croquis, où tel personnage est silhouetté en caricature. Le voici ensuite qui se met en tête de visiter les différentes facultés de France. À Bordeaux, il ne voit que les bateliers jouant à la passette sur les quais. À Toulouse, il apprend à danser et à manier l'épée. À Valence, à Nîmes, à Angers, il ne fait que passer. Mais à Bourges, il séjourne plus longuement et étudie les pandectes, ses livres tant beaux, tant ornés, tant élégants. D'Orléans, il part pour Paris visiter la grande université qui ne l'enthousiasme d'ailleurs aucunement. C'est même avec un certain dédain que ce provincial voit se presser sur son passage ce peuple parisien, sot par nature, par bécard et par bémol, et tant badaud qu'un bateleur, un vielleux, au milieu d'un carrefour, assemble plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangéliste. De plus, tant facile la sédition que les nations étrangères s'ébahissent de la patience des rois, lesquels ne les réfrènent. Ce fut ainsi qu'il promena sa verve d'un bout de la France à l'autre, emmagasinant des odeurs de terroir, notant des tableaux champêtres, des expressions locales, que nous retrouverons plus tard dans son œuvre. Enfin, il arrive à Montpellier, qui fut pour lui un séjour plus sérieux que les autres, puisqu'il prit dans cette ville son titre de docteur en médecine. Il y professa, exerça dans cette qualité, et publia une édition latine des écrits d'Hippocrate. Le chancelier Duprat, mécontent, on ne sait pourquoi, de la faculté de médecine de Montpellier, avait fait abolir par arrêt ses privilèges. Elle députa Rabelais pour solliciter son rétablissement, et celui-ci, en parlant latin au chancelier, réussit dans sa mission. L'université, en reconnaissance du service que Rabelais lui avait rendu, décida que tout médecin qui prendrait désormais le bonnet revêtirait la robe de Rabelais. Cette tradition a subsisté longtemps à la faculté de Montpellier. Ce fut à cette époque que le cardinal du Bellay fut nommé ambassadeur de France à Rome. Il proposa à son ami Rabelais de l'emmener avec lui comme médecin, ou peut-être aussi comme bouffon. Si on en croit la légende, l'ancien moine se serait livré, dans cette sainte ville, à une série de facéties peu respectueuses. Mais Voltaire lui-même, dans son étude sur Rabelais, dément toutes ces histoires avec le plus grand scepticisme. Dès son retour en France, Rabelais se rend à Lyon, où il avait besoin, dit-il, de se faire imprimer par nécessité d'existence. Cette laborieuse cité était alors en pleine activité. Une population avide de bien-être et de nouveautés s'agitait dans ses murs. Il y avait dans ces brouillards du Rhône grand tapage de marteaux et de métiers, mais aussi grand tapage d'idées, car les doctrines de la Réforme venaient là se heurter aux vieilles doctrines catholiques. Les Lyonnais, de plus, monopolisaient alors presque toutes les imprimeries du royaume, et c'est dans ce milieu intellectuel que Rabelais se lia avec les hommes ardents qu'étaient Bonaventure des Perriers, Étienne Dolet, Marot, tous philosophes plus ou moins enclins vers l'hérésie. Rabelais, en compagnie de ces esprits indépendants, éprouva le besoin d'écrire. Et Rabelais écrivit. Quoi ? Il n'en savait rien lui-même. Son Pantagruel ne peut se classer dans aucune forme d'œuvre existant jusqu'alors. Les idées lui venaient surtout à l'heure des repas, buvant et mangeant, comme il dit. Et voici qu'un jour, la tête échauffée par un bain généreux, le ventre bien garni, l'escarcelle vide, car il avait dépensé le dernier écu produit par ses écrits sérieux, il vit se lever devant lui, sous la forme d'un conte, toutes les images de sa vie, tous les souvenirs de son enfance, dans cette Touraine qu'il avait vue naître. Et les idées succèdent aux idées. Gargantua accentue Pantagruel. Le bonhomme Grand Gousier prend la silhouette du bon roi Louis XII. Toute cette œuvre, incohérente et puissante, mal finie, mais superbe de sève et d'ironie, alliait les grossièretés les plus énormes aux finesses les plus choisies, et tout cela fut créé par cet écrivain insouciant, presque en se jouant. Il ne prenait en effet aucunement au sérieux ce genre de littérature, qu'il produisait presque involontairement. N'avait-il pas derrière lui toute une bibliothèque de doctes et pesants écrits sur lesquels il comptait pour perpétuer sa gloire? C'étaient ses commentaires sur Galien et Hippocrate, son édition des lettres latines de Monardi, enfin une foule d'autres ouvrages en grec, en latin, en toscan, qui sont maintenant complètement oubliés, tandis que toujours vivront les aphorismes réjouissants et les inventions du bon géant Gargantua. D'où provenait ce succès? Son livre est une espèce d'énigme, dont depuis des siècles on s'évertue à chercher le mot et qui n'en a peut-être pas. Rabelais l'écrivit dans les fréquents accès de gaieté que souvent exaltait l'ivresse, et sans doute ne se proposait-il pas autre chose que de s'amuser lui-même et d'amuser les autres. Cet ouvrage eut des admirateurs frénétiques et des détracteurs acharnés. Les bons esprits se placent dans le juste milieu et estiment qu'un auteur, dont Molière et La Fontaine faisaient leur délice, ne pouvait pas être un écrivain tout à fait sans génie. La vérité se trouve, je crois, dans le jugement de La Bruyère qui disait de lui « Où Rabelais est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire. C'est le charme de la canaille. Où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent. Il peut être le mets le plus délicat. » Dans tous les cas, il faut constater que Rabelais fut toujours très habile, car si on considère avec quelle audace il tourna en ridicule les cultes, les prêtres, les grands, à une époque où les moindres critiques sur ces matières étaient punies de mort, on ne peut trop s'émerveiller de la sécurité dans laquelle il vécut. Une fois seulement, il fut dénoncé comme athée à François Ier. Le souverain se fit lire son ouvrage, et refusant de reconnaître comme exacte l'accusation portée contre lui, accorda au contraire sa protection à l'auteur. La fin de la vie de Rabelais ne fut cependant pas heureuse. Elle fut attristée par les guerres de religion. Il vit s'évanouir en même temps ce beau rêve de force et d'unité qu'il avait fait pour la monarchie française. Les intrigues de cour présidaient aux guerres civiles, grâce cependant à la protection du cardinal du Bellay, qui lui fut toujours fidèle. Il avait obtenu une prébende dans l'église collégiale de Saint-Maur-les-Fossés, ainsi que la cure de Meudon. Il mourut à Paris, rue des Jardins, sur la paroisse Saint-Paul, et fut enterré dans le cimetière de cette église au pied d'un arbre que l'on a longtemps conservé par égard pour sa mémoire. Cette mort eut lieu vraisemblablement en 1553, c'est-à-dire dans la 70e année de son âge. Ses derniers moments n'ont pas été plus épargnés que le reste de sa vie par les faiseurs de contes ridicules. On raconte que, ironiste jusqu'au moment suprême, il se fit affubler sur son lit de mort d'un domino et donna à son entourage la raison de cette mascarade en disant « Heureux sont ceux qui s'endorment dans le Seigneur. Beati qui morientur in domino. » On raconte encore que le cardinal du Bellay, ayant envoyé prendre des nouvelles de son protégé, celui-ci répondit au page « Explique à Monseigneur l'état dans lequel tu me vois. Je m'en vais chercher un grand, peut-être. Tire le rideau, la farce est jouée. » Puis il rédigea son testament qui était ainsi conçu « Je n'ai rien, je dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres. » Ainsi s'éteignit ce bouffon philosophe, ce génie, qui poussa l'ironie jusqu'à masquer sous des dehors grotesques les aperçus les plus profonds. Par contre, il est certaine chose que toujours il prit au sérieux, l'amour de son pays par exemple, et cet éternel ironiste, en envisageant la guerre que venait de soutenir sa patrie, proclamait avec satisfaction « Désormais sera France superbement bornée et seront Français en repos assuré. » Ce sentiment de nationalisme sincère et profond achève de peindre cet homme curieux, qui fut en même temps un philosophe et un homme d'action. En un mot, il fut l'un des plus grands génies de notre pays qui en produisit tant et de genres si différents. C'était François Rabelais, ancêtre des ironistes, par Jules Chancel.